troisième partie de notre série Éduquer dans son temps, pendant laquelle nous nous appliquons à comprendre ce qu'est d'être face au présent, le thème de la Nuit des idées qui se déroulera demain, cette Nuit des idées, donc demain soir un peu partout en France et dans le monde, et nous appliquons cette maxime face au présent à l'éducation. Lundi, nous avons parlé de l'enseignement de Confucius avec la professeure au Collège de France, Anne Cheng. Hier, nous nous intéressions à la façon dont on a rénové l'enseignement par la Compagnie de Jésus et l'enseignement des Jésuites. Demain, nous allons nous demander ce qui s'est passé pour créer la morale laïque à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, eh bien, nous nous intéressons à l'impact des images en mouvement sur les institutions d'éducation et d'enseignement avec Viviane Glickman, elle est docteure en sociologie, enseignant-chercheur. Elle a été enseignante-chercheure à l'INRP, puis au CNAM, et elle poursuit ses recherches aujourd'hui sur les usages des formations à distance et en ligne. Frédéric Marty sera avec nous depuis Radio France à Montpellier. Il est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Et Laurent Trémel sera avec nous depuis les studios de Radio France à Rouen. Il est sociologue, il est chargé de mission médiation scientifique au Musée national de l'éducation de Rouen. Il a été co-commissaire de l'exposition sur 50 ans d'images, donc justement dans l'éducation en particulier. C'était au MUNAE, donc au Musée National de l'Éducation de Rouen. Et pour finir, nous reviendrons à des images fixes avec un sketchnoteur, Yann Poisson, qui est enseignant, aura sketchnoté l'émission d'aujourd'hui. Il vous expliquera en quoi c'est utile et comment on peut prendre des notes avec des dessins et du texte mêlé. Marly est déjà différent par sa conception architecturale. Marly est différent par les moyens qui sont mis à sa disposition, des moyens audiovisuels qui sont tout de même très importants, circuits fermés de télévision, laboratoire de langue, matériel audiovisuel léger. Marly est différent également par la façon dont travaillent les professeurs, par la conception qu'ils ont de l'enseignement dans certaines disciplines, par les recherches qui sont menées au niveau de l'établissement. Oui, tout ou presque est différent au CES de Marly-le-Roi, collège expérimental unique en Europe où l'audiovisuel est roi. Ici, il y a la télé dans les classes et pas d'estrade pour les professeurs. Quant aux salles réservées aux langues vivantes, ce sont des laboratoires. Le modernisme des moyens va de pair avec la libéralisation des méthodes et dans les trèfles, amphithéâtre sur lesquels ouvrent les classes, on reçoit des visiteurs ou on donne des spectacles. Dans la salle de studio. Un reportage de la télévision, donc la première chaîne de télévision, c'était en 1971 sur le CES de Marly-le-Roi, un CES expérimental, dont l'expérimentation d'ailleurs a cessé assez rapidement après 1971, puisqu'il s'est interrompu en 1979-1980 sous sa forme expérimentale. Mais c'était une époque où l'on croyait justement aux vertus de l'image. Il y avait un studio de télévision à l'intérieur, on pouvait enregistrer sur des magnétoscopes de première génération les programmes de télévision scolaire et donc les projeter lorsque l'on le souhaitait donc aux classes en fonction de leur emploi du temps. C'était donc assez novateur et le proviseur de cet établissement dans ce reportage nous explique que c'était pour préparer l'homme et la femme de l'an 2000. Bonjour Viviane Glickman. Bonjour. Cette expérimentation était intéressante mais effectivement comme beaucoup d'expérimentations autour de la présence de l'image à l'école ou dans les formation, eh bien, elle n'a pas duré très longtemps parce que la technique, peut-être, l'évolution des mentalités va assez vite pour une grosse institution, que ce soit l'éducation nationale ou les centres de formation pour adultes, Viviane Glickman. Oui, absolument, mais une expérience, c'est fait pour durer un certain temps puis pour être généralisée. Ouais. Or, il s'avère que nombre d'expériences n'ont jamais été généralisées dans le domaine des nouvelles technologies pour l'éducation et la formation. Alors, nous sommes avec vous, Laurent Trémel, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends bien, oui. Vous êtes donc, vous travaillez au Musée national de l'éducation de Rouen, que nous visiterons d'ailleurs demain pour notre dernière émission de cette série. Et vous y avez co-organisé une exposition sur 50 ans de pédagogie par les petits écrans. C'était il y a 3 ou 4 ans. Et vous avez donc été obligé, pour organiser cette exposition, de réfléchir à cette longue, ce long cheminement, pourrait-on dire, qui a conduit les images extérieur aux institutions d'enseignement à y entrer. Oui, tout à fait. Effectivement, c'était une exposition qui a eu lieu au Musée national de l'éducation entre 2014 et 2016. Donc, si vous voulez, au travers de cette exposition, on avait essayé de valoriser les collections du Musée national de l'éducation, donc des objets, comme par exemple des machines à enseigner des années 1950. Et puis, le Musée national de l'éducation est un service de réseau Canopé, donc on avait aussi essayé, si vous voulez, de valoriser au travers de cette exposition les archives audiovisuelles de Canopé. Et donc, aujourd'hui, Canopé, si vous voulez, il faut préciser pour les auditeurs ce dont il s'agit, c'est l'ancien CNDP, c'est cela, Centre voilà, national de documentation pédagogique, lui-même qui a poursuivi les expérimentations de l'Institut pédagogique. Oui, qui était lié, si vous voulez, effectivement, notamment aux émissions de radio-télévision scolaire. Hein, donc une partie, si vous voulez, des archives audiovisuelles de Canopé porte sur ce fond des émissions de la radio-télévision scolaire. Et ce qui est important, si vous voulez, de noter, c'est qu'aujourd'hui, il reste des traces de cette exposition en ligne, au travers justement des séquences vidéo, d'un certain nombre de reportages et de séquences vidéo qui avaient été tournées en accompagnement de l'exposition. Et il y a par ailleurs, si vous voulez, un livre électronique que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site de Canopé, qui rappelle quel était le parcours de l'exposition et qui donnait aussi la parole à des spécialistes, dont Frédéric Marty, pour éclairer comme ça, dans une perspective scientifique, un certain nombre d'éléments se rapportant aux machines à enseigner, à l'expérience de Marly Leroy qui a été évoquée là, ou encore d'autres thèmes comme le plan informatique pour tous. Frédéric Marty, vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Montpellier, que nous remercions de vous accueillir. Eh bien, Frédéric Marty, justement, vous avez vous-même travaillé sur les évolutions de la place de ces images dans l'enseignement, et vous notez que chaque innovation technique de communication, depuis même le phonographe d'Edison au 19e siècle, a été immédiatement investi, dites-vous, d'une mission pédagogique, parfois contournée, abandonnée, mais enfin, au départ, lorsqu'on invente, dites-vous, une technique de communication, que ça soit un disque en cire ou des images mouvantes de télévision, eh bien, on imagine tout de suite que cela peut servir à l'enseignement. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est un constat que dressait Geneviève Jacquinot, qui disait qu'effectivement, à chacune de ces technologies étaient associées soit des utopies pour à l'échelle d'une société, des alibis aussi pour des marchands qui cherchent à distribuer des innovations technologiques. On le voit encore aujourd'hui de manière très contemporaine avec les investissements des grandes entreprises du numérique dans le secteur de l'éducation, Apple, Amazon, Microsoft, etc. Et aussi beaucoup d'illusions et d'espoir pour tous les enseignants et les éducateurs au sens large, puisque je crois que ce qui est intéressant de souligner, c'est que ces technologies-là sont effectivement appropriées par l'institution éducative, le ministère, les acteurs plus régionaux, mais aussi par tout un tas d'acteurs de l'éducation au sens large. Je pense notamment, en ce qui concerne le cinéma, éducateurs et scolaires, à tous les mouvements d'éducation populaire, qu'ils aient été laïcs ou confessionnels, mais qui se sont largement appropriés ces technologies. Oui, et d'ailleurs, on sait très bien qu'au tout début du XXe siècle, eh bien, il y a à la fois les gens de l'école laïque qui investissent ces milieux du cinéma, à l'époque encore muet, mais également les catholiques, avec des catholiques de combat qui pensent qu'il s'agit là d'une façon de reconquérir un public peut-être perdu. Et des gens comme Franz Dussault, qui est un ingénieur, dit en 1906, le cinéma sera le théâtre, le journal et l'école de demain. Donc il y a bien dans cette utopie, dites-vous, Frédéric Marty, il y a bien la volonté d'imaginer que eh bien, ce cinéma, ces images en mouvement vont révolutionner l'éducation. Oui, c'est vrai, et c'est le cas, encore une fois, de nos jours aussi, dès lors qu'on parle du numérique et de son impact dans l'éducation. C'est vrai que les discours charrient globalement quand même les mêmes ambitions, à la fois d'avoir une éducation qui sera plus accessible, plus en direction de publics peut-être moins scolaires traditionnellement, et en même temps aussi de repenser les modalités d'éducation. C'était le cas de l'archive que vous avez diffusée sur le collège de Marly Leroy, avec cette vraie ambition de repenser le mode même de transmission du savoir. Et je crois que c'est vrai que c'est un invariant qui est assez... assez étonnant, en tout cas intéressant à soulever. Viviane Glickman, on a même imaginé dans les années 30, et c'était Jean Painlevé qui était pourtant justement un de ceux qui croyaient à cette influence du cinéma sur l'éducation, qu'il puisse y avoir une sorte de professeur automate qui soit sans opinion personnelle et qui ne donne que des faits, avec évidemment cette idée que les professeurs promenaient avec eux des opinions et qu'il ne fallait pas transmettre ces opinions aux jeunes qui étaient en face d'eux. Moi, ça a été une des grandes raisons pour lesquelles un certain nombre d'enseignants, et même un grand nombre d'enseignants, ont été assez réticents, sinon très réticents, face à l'introduction de l'audiovisuel dans la classe, c'est que la première fonction qu'on a attribuée à l'audiovisuel, c'était en fait de pallier les lacunes de l'enseignement, puisque les enseignants, quand on a allongé la scolarité obligatoire, on n'avait pas suffisamment d'enseignants formés, et on s'est dit que la télévision allait servir à aller se substituer aux enseignants. Donc il y a eu des, je dirais à la limite, des manifestations sur le thème « La télévision ne remplacera jamais le maître ». Comme on a eu plus tard, au début des années 80, des violentes réactions sur le mode « L'informatique ne remplacera jamais le maître », puis « Internet ne remplacera jamais le maître ». Donc à chaque fois, le corps enseignant, en tout cas, parmi les fonctionnaires, mais aussi parmi les formateurs d'adultes, mais eux sont soumis à d'autres pressions. Chaque fois, ces technologies dites nouvelles, parce que chaque technologie est une nouvelle technologie, chaque fois, ces nouvelles technologies ont à la fois eu des soutiens forts d'un certain nombre de personnes, et puis ont été donner lieu à des réactions assez violentes de la part d'un autre nombre de personnes. Laurent Trémel, c'était d'ailleurs un peu au cœur de cette exposition que vous avez co-organisée donc à Rouen au Musée national de l'éducation entre 2014 et 2016, justement que de réfléchir à ce que provoque l'émergence de ces images. Alors peut-être il faut donner quelques dates pour nos auditeurs qui ne seraient pas habitués à connaître cette histoire. On peut dire que le cinéma donc expérimental, muet en particulier des années 30, ce sont des tentatives mais qui sont relativement limitées, même si elles tentent de se développer, que la radio scolaire est inventée pendant le Front populaire sous la tutelle de Jean Zay en 1936, mais que c'est surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale et la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'on va avoir imaginé donc la présence plus importante de ces nouvelles technologies de l'époque, et en particulier de la télévision, dans les classes. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier non plus, il y a eu une autre exposition du musée sur ce sujet, les vues sur verre, en fait les ancêtres des diapositives, notamment distribuées par le musée pédagogique, donc en fait quelque sorte notre ancêtre au début du XXe siècle, ça a eu une très grande importance. Au travers, effectivement, c'était en fait des vues sur verre qui étaient projetées avec ce qu'on appelait des lanternes magiques. Et là, il y a eu un rôle important dans l'enseignement. En 2016-2017, le musée avait fait une expo sur ce thème. On en a retrouvé récemment, je crois, au lycée Colbert à Paris, des centaines, et elles sont en train d'être analysées, justement, ces vues sur verre, par des enseignants qui s'y intéressent particulièrement. Alors, ces vues sur mer, elles sont fixes. Donc, on est encore dans un cadre d'image fixe. Ce qui change peut-être, c'est l'image en mouvement, c'est-à-dire c'est le cinéma, et puis encore plus peut-être la télévision. La télévision, oui, et c'est vrai que si vous voulez, ça vient dans une époque qui est vraiment impatiente, si je puis dire, de développer des nouvelles technologies, qui est vraiment dans une perspective un peu évolutionniste, tournée vers l'avenir, vers le progrès. Donc c'est intéressant de voir comment effectivement la télévision, dans quel contexte un peu sociopolitique la télévision scolaire, dans le cadre de la radio-télévision scolaire, va se développer. Avec aussi une idée, il y a bien sûr plusieurs inspirations philosophiques, politiques au développement de ces mouvements-là, mais il y a aussi toute une réflexion par rapport au caractère de l'école liée à l'écrit. C'est-à-dire, voilà, des chercheurs, des philosophes montrent bien que le rapport à l'écrit, au livre, est peut-être de nature à favoriser la réussite des enfants issus des milieux les plus privilégiés culturellement parlant. Et donc, il y a l'idée qu'au travers de ces modes d'expression, entre guillemets, populaires que peuvent être le cinéma, la télévision, voire aujourd'hui, effectivement, l'informatique ou les jeux vidéo d'un certain point de vue, il a des outils pédagogiques qui peuvent effectivement faire apprendre différemment, notamment à des enfants qui ont peut-être un rapport, justement, problématique à l'écrit. Oui, c'était d'ailleurs la tentative avec la première radio scolaire que de dépasser, par exemple, le stade de l'analphabétisme. C'est-à-dire qu'on se disait on pouvait avoir des cours, apprendre en écoutant d'une certaine façon et briser la barrière de l'analphabétisme pour des populations qui n'avaient pas accès à l'écrit. En l'occurrence, c'était une utopie, on l'a dit effectivement, mais ça faisait partie aussi des motivations et des légitimations de la radio scolaire. La télévision, il va y avoir des pionniers comme Henri Dieuzet, mais il va falloir un certain temps, Frédéric Marty, pour la développer. Ça commence timidement au tout début des années 50 et il va y avoir une lente montée en charge, pourrait-on dire, jusque dans le début des années 60. Oui, c'est vrai. Alors même si les débuts sont peut-être timides quand on regarde d'un point de vue quantitatif, c'est vrai que c'est quand même une grande innovation à l'échelle de l'Union européenne, par exemple. La France est un des premiers pays à se doter d'un service d'enseignement au sein même de l'institution publique médiatique. Mais c'est vrai que petit à petit, ça va monter en puissance. On va avoir jusqu'à plus de 20% de la totalité des programmes. Hein, 20 heures de programme par semaine sur une centaine d'heures qui sont produites à l'époque par la télévision, qui est d'abord une chaîne unique, puis ensuite deux, puis ensuite trois. À la fin des années 70. Oui, ce qui est considérable quand on... Et c'est pour ça peut-être que c'est important de recontextualiser ces termes que sont télévision et cinéma, puisque aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de télévision, on a plutôt en tête des phrases sur la télévision comme en opposition en tout cas à la transmission du savoir, et alors qu'à ses débuts, c'est vrai qu'on a tout un discours d'accompagnement qui est très moteur sur cet outil comme outil de transmission nouveau, plus accessible effectivement des savoirs, avec un gros investissement jusque dans la production des contenus. Et c'est important de le rappeler, à l'époque, on a un investissement de l'État à travers le service public audiovisuel, mais aussi le ministère de l'Éducation, qui va embaucher des réalisateurs, des producteurs qui vont vraiment travailler. Alors, il faut citer les noms d'Éric Rohmer, par exemple, ou d'autres qui participent à ces expérimentations, effectivement. Exactement, donc ce qui montre bien une certaine forme de légitimité à l'époque hein, de la télévision à agréger autour d'elle tout un tas de créateurs, mais aussi d'intellectuels hein, qui viennent à la télévision scolaire parler de philosophie avec des grands noms qui vont. Et là, vous pensez à Foucault et Ricoeur, par exemple. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Viviane Glickman, vous parliez tout à l'heure des critiques. J'ai noté en reprenant le dossier, excellent dossier de 50 ans de pédagogie par les petits écrans du MUNAE, du Musée National de l'Éducation, qu'un certain Marcel Cochin, par exemple, dans ces années-là, dit que là, il y a un manque de souplesse horaire, parce qu'effectivement, la télévision scolaire diffusée dans les classes est diffusée au même moment dans toutes les classes de France. Donc, tous les professeurs n'ont pas le même programme à faire évoluer. Tant qu'il n'y a pas de magnétoscope. Ouais, il n'y a pas de magnétoscope. Et puis ensuite, cette critique que vous pointiez du doigt tout à l'heure, de l'uniformisation d'un programme et d'une perte d'autonomie des enseignants, d'une perte d'autonomie du maître dans sa capacité à comprendre sa classe, à faire travailler sa classe à son rythme, d'une certaine façon, Viviane Glickman. Oui, je crois qu'il faut distinguer différents types de publics. Déjà pour la télévision, il y a le public des élèves scolaires, il y a le public des enseignants, il y a même eu des émissions de télévision destinées aux enseignants, il y a eu la télévision universitaire, donc là on s'adressait aux étudiants, et il y a la télévision éducative pour adultes qui s'adresse aux téléspectateurs chez eux. Donc avec ces différents types de publics surgissent des avantages et des contraintes différenciées. Alors si vous travaillez par exemple, vous, beaucoup sur la question de la formation des adultes, à partir de quel moment considère-t-on, non pas la télévision scolaire en tant que telle, donc, mais l'intérêt d'une télévision créée pour former des adultes tout au long de la vie, comme on le dit généralement? Ben, Henri Dieuzet, que vous évoquiez, a eu un rôle important, puisqu'au moment où a été élaboré un plan de développement des moyens audiovisuels pour l'éducation, c'est-à-dire au début des années 60, a été évoquée déjà cette utilisation de la télévision pour les adultes individuels chez eux. Et puis, il y avait des copies films des émissions qui pouvaient servir dans les institutions de formation d'adultes et à ce moment-là être réutilisées par les formateurs. Mais qu'est-ce qu'on espérait justement de cette arrivée des images en mouvement pour la formation pour adultes? Qu'est-ce qu'on mettait comme mission à remplir? Élever le niveau général de formation de la population qui déjà à l'époque était jugée insuffisant. Et il s'agissait donc par la télévision, et ça c'est un des gros avantages de la télévision qu'on ne retrouve pas avec l'informatique, par la télévision on pouvait faire que des téléspectateurs découvrent la possibilité de se former. Moi j'ai longtemps milité pour l'utilisation de la télévision dans la lutte contre l'illettrisme, justement, vous évoquiez, parce que c'était avec la radio, mais c'était le seul outil de formation dont les illettrés disposaient. Il y a eu des expériences très intéressantes en Angleterre sur le sujet, mais en France, ça n'a jamais été réellement mis en œuvre. Laurent Trémel, ce qui est intéressant, c'est cette vision du progrès, d'une certaine façon, cette utopie progressiste qui imagine qu'avec un nouveau moyen de communication, eh bien, on va pouvoir peut-être révolutionner les institutions d'enseignement, qu'elles soient pour jeunes ou pour adultes. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on retrouve cette intention à plusieurs moments de l'histoire. Hein. Comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut le retrouver au début du XXe siècle avec ses vues sur verre. On le trouve ensuite, comme vous l'avez évoqué, au travers du cinéma. On le trouve ensuite au travers évidemment de la radio-télévision scolaire. Ensuite, au travers, par exemple, du plan informatique pour tous. Puis aujourd'hui, de certains nouveaux médias au niveau d'Internet. Et c'est intéressant de voir comment, en fait, à chacun de ces moments, on va trouver des partisans, effectivement, du développement de ces nouvelles technologies, et puis aussi, je dirais, des gens, et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs un peu la symétrie des discours, qui vont évoquer, par exemple, une perte du niveau scolaire, le fait, bien évidemment, que ces éléments-là vont développer des savoirs qui sont moins intéressants que les savoirs traditionnels. Donc à chaque fois, il y a un peu une opposition, si vous voulez, entre les anciens et les modernes. Mmh. Et c'est intéressant de la retrouver à peu près systématiquement, dès lors qu'une nouvelle technologie fait son apparition. Mmh. En sachant aussi qu'il y a une autre dimension qui émerge au niveau de la critique, notamment au travers justement des nouveaux médias qui ont pu apparaître depuis une vingtaine d'années, c'est le fait que ces médias en fait sont produits par des sociétés multinationales et que par conséquent, si vous voulez, leur contenu n'est peut-être pas neutre à plusieurs niveaux. Eh oui, et bien sûr, et il faut dire, Frédéric Marty, combien d'ailleurs cette idée que on maîtrise nationalement ces savoirs à transmettre est une idée importante, mais aussi va commencer à devenir une sorte de poison interne à cette façon d'enseigner, puisque bien progressivement l'État va changer de rôle, on va commencer à imaginer qu'il est moins interventionniste sur ces domaines d'éducation. Et que dans les années 70, on va voir naître justement des critiques, y compris internes, y compris par le directeur du CNDP de l'époque, Gilbert Léoutre, qui fait une tribune dans Le Monde en 1978, je crois, où il dit « la télévision scolaire doit cesser d'arroser le sable ». C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de perte de la mission ou de crainte de ne pas la remplir qui se met en place, Frédéric Marty ? Oui, effectivement, la critique est très sévère, mais il faut quand même recontextualiser aussi. La télévision, à cette époque-là, devient un média de masse, a des enjeux économiques très forts. Le temps d'antenne devient très coûteux. La production des contenus aussi semble coûteuse hein, pour une institution qui cherche déjà hein, à réduire les coûts. Et c'est vrai qu'il faut mettre ça en regard de logique économique. On a effectivement des espoirs et des ambitions éducatives, pédagogiques, mais qui vont très vite rencontrer la réalité du marché, puisqu'on le voit bien, hein, c'est principalement des arguments économiques, alors pas que, hein, je rejoins Vivian Glickman hein, qui rappelait tout à fait les difficultés à gérer le direct de la télévision dans le cadre d'une salle de classe, le moment où il fallait être tous prêts pour suivre le programme qui était diffusé en direct, et c'est assez paradoxal et peut-être un peu triste de voir que finalement tout est arrêté alors que le magnétoscope commence à se démocratiser et qu'on peut effectivement réfléchir à une utilisation qui est plus dépendante du direct et peut-être plus facile pour les enseignants et les élèves. Oui, Vivian Glickman. Oui, je crois qu'on peut ajouter aussi parmi les obstacles le fait que la télévision éducative qui était produite par l'éducation nationale n'a jamais été très bien vue par la télévision officielle, que ce soit par l'ORTF. Alors au tout début, oui, mais dès que l'ORTF a commencé à grandir et à prendre de l'importance, ça a été un peu rejeté comme une télévision secondaire qui risquait de faire perdre de l'audience. Ouais, avec des excès de didactisme, avec l'idée qu'effectivement, si on mettait à la place un bon documentaire qui n'avait pas de fonction pédagogique, ça rapporterait plus d'audience. Surtout quand il y a eu la publicité, parce que ça rapportait des auditeurs qui permettaient de faire augmenter les tarifs publicitaires. Et puis, donc ces émissions qui étaient là pour être découvertes par hasard dans le flux télévisuel, finalement, ont été de plus en plus rejetées. Marginalisées. À des heures où il n'y avait pas d'audience. Donc, ce qui explique un peu la formule de Léoutre, qui disait que la télévision on arrosait le sable à la fin des années 70 avec cette télévision scolaire. Mais on incitait aussi les enseignants à ce moment-là à utiliser le magnétoscope. Il faut pas oublier que le magnétoscope à l'époque, les normes n'étaient pas stabilisées et c'était très compliqué pour un enseignant. Il fallait qu'il amène le magnétoscope dans sa classe parce qu'il n'y en avait pas dans toutes les classes. Et qui sache le faire marcher pour pas se ridiculiser devant ses élèves au cas où ça démarrerait oui, pas. Oui, il faut savoir qu'il y avait au moins trois normes de magnétoscope dans ces années 70 et au début des années 1980 qui voient surgir aussi d'autres manières de raconter, comme par exemple les dessins animés qui nous viennent du Japon. France Culture, la fabrique de l'histoire. Emmanuel Laurentin. Dans l'espace infini, tu recharges. Mais que vient faire Goldorak dans une histoire comme celle-ci, où nous racontons, donc dans la fabrique de l'histoire, l'arrivée des images en mouvement dans l'école et dans les cours de formation pour adultes? Pourquoi Goldorak dans une émission comme celle-ci, Viviane Glickman? Pas répondre directement à la question, mais tout à l'heure, j'avais envie d'évoquer une émission aussi qui était par dessin animé, qui était une expérience américaine, qui s'appelait Sesame Street. Oui. Et qui était justement à destination des élèves des milieux défavorisés pour les aider à apprendre la lecture et l'écriture. Et on s'est aperçu au bout de quelques années que c'était effectivement utile à ces élèves-là, mais que c'était encore plus utile aux élèves les plus favorisés. Et ça a été le cas de chaque chose, de chaque tentative d'utilisation des technologies au fur et à mesure des décennies. Et puisque Viviane Glickman n'a pas répondu directement à ma question, Frédéric Marty, pourquoi Goldorak ? Oui, non, c'est vrai que Goldorak, c'est un exemple intéressant qui montre que finalement, la mobilisation de contenu audiovisuel va petit à petit, étant donné que les pratiques médiatiques évoluent aussi du côté des publics, va petit à petit faire un mouvement un peu inverse à ce qu'était peut-être le cinéma scolaire et la télévision scolaire, c'est-à-dire qu'on cherchait à produire des programmes pour l'enseignement, pour l'éducation, et dans un second temps, tel que Goldorak, on va peut-être essayer aussi de mobiliser des contenus externes, plutôt divertissants, pour les mobiliser dans le cadre de l'enseignement. Vous voulez dire qu'on... imaginons effectivement, Laurent Trémel, que ça ne marche pas tellement et qu'on arrose trop le sable, en l'occurrence, on va se dire, dans les milieux de l'enseignement, qu'on allait pouvoir aller chercher ce qu'on appelle la pop culture aujourd'hui, c'est-à-dire ce que regardent en dehors de la classe les élèves, par exemple, et tenter d'en tirer des leçons pour pouvoir justement faire des apprentissages à l'intérieur de l'école. C'est cela, Laurent Trémel ? Oui, alors pour Goldorak, on l'avait effectivement évoqué dans l'exposition 50 ans de pédagogie par les petits écrans, parce que si vous voulez, c'était un moment où on s'était intéressé aussi à la télévision, donc en dehors de la télévision scolaire, et Goldorak, si vous voulez, c'est un moment dans l'histoire de la télévision, parce que, si vous voulez, en termes d'audience, Goldorak va très bien marcher, Ça va transformer, si vous voulez, des émissions pour enfants qui auparavant étaient quand même assez proches, par exemple, de ce qui pouvait se faire en termes d'activité culturelle dans une MJC. Mmh. Là, Goldorak, c'est vraiment la culture marchande, en quelque sorte, ouais. Hein, voilà, qui fait son apparition dans l'univers en France des programmes télévisés pour enfants, et ça suscite de vives polémiques au niveau des milieux éducatifs. Je pense notamment au livre de Viviane Lursa, qui est extrêmement critique, de Liliane Lursa, ouais. Qui est extrêmement polémique à l'égard de Goldorak. Et donc là, c'est intéressant de voir comment effectivement il y aura controverse. Et cette controverse va aussi perdurer jusqu'à nos jours, par exemple, par rapport à l'utilisation des jeux vidéo, avec là encore, si vous voulez, des partisans du fait que l'école doit prendre en considération les éléments de socialisation de la jeunesse en dehors de l'école. Et oui. Et effectivement, peut-être, justement, dans le cadre d'un cadre scolaire, prendre ces produits en permettant aux enfants une forme de distanciation critique. Oui, parce que Goldorak, on va mettre en place, effectivement, et on l'a fait depuis le début d'ailleurs, on va mettre en place dans ces années 1970-1980 l'idée qu'il y a des bons et des mauvais produits, d'une certaine façon, qu'il y a des produits qui peuvent être bon pour les élèves, donc parce que pédagogiquement bien conçu, des objets qui peuvent être bons pour les élèves et d'autres objets qui peuvent être mauvais. Donc on va avoir des jugements de valeur sur ce que l'on doit présenter ou on doit utiliser en classe, en l'occurrence Frédéric Marty. Oui, c'est vrai. Merci à Laurent Trébel d'avoir recontextualisé un petit peu Goldorak. C'est vrai que c'est un moment effectivement en particulier. On a quelques répercussions aussi de cette vision un peu morale de la télévision. Je pense notamment à un rapport qui est publié sous forme de livre de Ségolène Royal qui parle de télémassacre, qui se questionne sur une forme d'overdose avec des mots très durs hein, comme ça et des jugements assez forts sur les effets hein, de cette télévision dans l'enseignement et en tout cas envers les publics plus jeunes. Et c'est vrai que ça va mettre en tension ce moment-là où les pratiques culturelles des jeunes, ceux qui sont à l'école, vont peut-être passer autant de temps, si ce n'est plus, devant un téléviseur que devant un enseignant, va fortement questionner les enseignants aussi sur leur rôle dans la société, leur rôle face à ses élèves et peut-être que justement reprendre ces programmes-là pour les mettre à distance, développer ce qui est le début de l'éducation aux médias, est un moyen aussi pour les enseignants de se repositionner dans ce paysage culturel et de donner du sens aussi à leur action auprès des plus jeunes. Oui, on va inventer le CLEMI, le centre d'analyse justement des médias dans liaison. Les années de liaison, donc sur les médias, donc pour pouvoir faire l'apprentissage critique de tous les médias d'une certaine façon, en pensant que tout compte fait, puisque ces médias sont là, Viviane Glickman, on ne peut pas les empêcher d'entrer dans la classe, on ne peut pas les empêcher d'entrer dans les foyers dans lesquels sont les enfants et même les adultes que l'on forme, et qu'il va falloir au contraire leur donner les moyens. Donc, d'analyser ces images et donc d'avoir une vision critique de ces images, Viviane Glickman. Vous faites référence à une action qui s'est appelée Jeunes téléspectateurs actifs, voilà. Abrégée en JTA, effectivement. Et puis, il y a eu aussi l'idée de réinvestir la télévision quotidienne dans l'éducation. C'est ça. Mais ceci dit, qui a été plus ou moins limité par d'autres raisons. Si je pense aux pièces de théâtre, par exemple, il y a eu tout le problème des droits d'auteur, qui a été un véritable serpent de mer, qui a duré pendant des décennies, à savoir est-ce que les enseignants avaient ou non le droit d'utiliser ces émissions gratuitement et sans qu'il y ait de droits d'auteur quand ils prenaient, par exemple, une pièce de Molière pour travailler avec leurs élèves. Ce que je voudrais dire, c'est que la télévision scolaire, donc, s'est arrêtée en tant que telle au début des années 80, mais que, il y a eu toute une tentative au moment de la création de la cinquième chaîne. Mmh. En 1994. C'est cela. Mais il y avait déjà eu avant des commissions de réflexion du Sénat sur le sujet. Et donc, cette cinquième chaîne était supposée être une chaîne éducative. Et puis, petit à petit... C'est devenu une chaîne de la culture. Oui, et puis ouverte une chaîne de la connaissance, ouais, de l'emploi. Et puis, ça s'est terminé par beaucoup de documentaires animaliers. Oui, Frédéric Marty, vous avez beaucoup travaillé justement sur cette évolution, c'est le sujet d'ailleurs de votre thèse en l'occurrence, que de réfléchir à cet abandon, pourrait-on dire, de cette mission qui remonte, on l'a dit, à l'après-Seconde Guerre mondiale, et cette transformation sous d'autres modes justement, de sites internet, de banques de programmes en 1997, la banque de programmes et de services par exemple, et puis ensuite le site TV en 2003, tout cela, ce sont des suites, pourrait-on dire, justement, de cet abandon progressif de la télévision scolaire sous sa forme la plus ancienne. Oui, en tout cas, c'est les signes d'une certaine forme de marginalisation, c'est-à-dire qu'on va sortir ces programmes-là et tout ce qu'ils portent avec eux de la grille royale, hein, d'une diffusion linéaire et dans des cadres de chaînes grand public, pour petit à petit offrir une diffusion via des plateformes en ligne, bon, des diffusions de satellites au départ, puis des plateformes en ligne, ce qui n'est pas complètement nouveau, puisque déjà la télévision scolaire a proposé des distributions de VHS. Dans le cas du cinéma, on avait des distributions de pellicules, des distributions de vues lumineuses. Finalement, c'était cette logique de stock par opposition à la logique de flux de la télévision classique, finalement, correspond aussi à cet usage plus libre, autonome de la part des enseignants. Mais c'est vrai que cette marginalisation, paradoxalement, peut devenir aujourd'hui une forme de levier, puisqu'on observe que sur ces plateformes-là, numériques, finalement, avoir un public qui n'est pas forcément présent tout le temps en même temps, qui est peut-être fragmenté, peut être un atout, en tout cas n'est pas un problème comme il était à la télévision. Donc c'est peut-être une opportunité à saisir à nouveau dans le cadre de ces nouvelles technologies, toujours nouvelles, hein, comme le dit Viviane Glickman, une opportunité à saisir et puis peut-être aussi de s'interroger quels sont les acteurs aujourd'hui qui se saisissent de tout ça, où sont les acteurs privés. Y compris des acteurs privés. Populaire. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, on voit très bien les acteurs privés, on les connaît tous. Hein, on citait tout à l'heure Google, Facebook, Amazon, Microsoft. Mais c'est vrai que les acteurs de l'éducation populaire sont peut-être moins visibles. Et donc, tout le discours d'utopie qui accompagnait ces époques qu'on évoquait, le cinéma, la télévision, est peut-être un peu plus en retrait. Et c'est vrai que c'est peut-être ce facteur-là qui manque aujourd'hui pour construire un discours et vraiment porter une ambition pédagogique pour ce qui est le numérique aujourd'hui. Oui, on peut dire, Laurent Trémel, tout de même, que tout cela est dû à l'arrivée de ce qu'on a appelé dans une époque l'informatique pour tous, qu'on a espéré à un moment. Et puis l'arrivée essentielle d'Internet, puisque effectivement, ces nouveaux médias, ces nouveaux supports ont profondément transformé le rapport qu'il pouvait y avoir entre des maîtres et des élèves. Mais la présence des smartphones auprès de nous, par exemple, y compris dans les classes, doit-on les couper, doit-on les maintenir ouverts, doit-on permettre aux élèves de consulter des fiches sur leur téléphone portable pendant que l'on donne cours? Toutes ces questions-là ont profondément transformer justement le rapport du maître et des élèves, le rapport d'éducation, que ça soit dans les cours scolaires ou dans les cours de formation pour adultes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on en voit encore, je dirais, des éléments par rapport aujourd'hui à la façon dont les jeunes et les citoyens, plus généralement, peuvent s'approprier l'information, hein. Je pense à tous les débats qu'il y a actuellement sur justement les sources d'informations fiables, les fake news. Mais voilà, mais c'est vrai que là, Internet est apparu, je dirais, à la fin des années 90 et a modifié en profondeur les usages par rapport notamment aux informations. Et c'est vrai que la télévision n'a plus aujourd'hui le même rôle qu'elle pouvait aussi l'avoir dans les années 60-70. Par ailleurs, c'est vrai aussi, je dirais, que les conceptions politiques, les conceptions éducatives ont beaucoup évolué dans la même période, notamment par rapport à la question d'une télévision éducative d'État. Enfin voilà, donc il y a eu effectivement plusieurs éléments qui ont contribué parfois, bah, effectivement, à créer un peu de trouble au niveau de la communauté éducative sur ces questions-là. Quoi faire au niveau des jeunes de ces nouveaux médias? Est-ce qu'il faut les utiliser? Est-ce qu'il faut au contraire expliquer qu'il y a d'autres sources d'informations plus fiables? C'était intéressant tout à l'heure d'évoquer l'opération Jeunes Téléspectateurs Actifs. Mmh. Il y avait notamment, si vous voulez, des réflexions en classe à cette époque sur, par exemple, la publicité. La publicité était prise comme objet d'étude en classe et on expliquait comment des psychologues, des sociologues travaillaient à l'élaboration de publicité pour en fait induire des comportements d'achat auprès des gens. Donc il y avait une réflexion critique, argumentée sur quelque chose qui faisait partie de la vie quotidienne, les publicités à la télé. Il y a tout de même beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine-là encore aujourd'hui, en l'occurrence dans les classes, puisque cet apprentissage de la critique, vous l'avez dit, des fake news, est au cœur de beaucoup d'enseignements aujourd'hui. Viviane Glickman. Je crois qu'il faudrait une fois de plus, insister sur une distinction à faire entre l'information et la formation. Beaucoup d'émissions, des magazines, sont des magazines d'information, mais ça ne forme pas. Former, ça veut dire apporter des éléments successifs qui s'appuient les uns sur les autres et qui constituent une progression. Donc, ce qu'on peut faire actuellement en matière d'information, et c'est essentiellement ce que fait Internet et ce qu'il fait très bien, même s'il y a effectivement les fake news dont vous parlez, mais ça ne constitue pas une formation en soi. Mais Internet a été un des... Enfin, l'informatique, puis Internet, ont été des outils qui ont servi à justifier l'abandon de l'audiovisuel éducatif. Et oui. Puisqu'on a dit, on peut maintenant tout trouver sur Internet, sur l'ordinateur. Sauf que, justement, on ne peut pas faire découvrir la formation à des téléspectateurs ou à des individuels grâce à Internet. Ils vont la chercher. Mais vous qui travaillez donc justement beaucoup sur cette question des formations pour adultes, Vivian Dickmann, effectivement, vous avez vu se retirer, comme la mère se retire, tout un tas d'ambitions, peut-être qui étaient des ambitions justement pour tous, avec cette idée que on allait pouvoir permettre à des gens de se former tout au long de la vie par des moyens dits modernes, en l'occurrence, et en même temps, cette idée qu'on allait les aiguiller vers cette boîte aux merveilles qui est Internet, où on peut tout trouver à tout moment, de chez soi ou sur les lieux de travail. Et vous nous expliquez dans un article qui va paraître bientôt, que par exemple, tous ceux qui ont pensé que l'e-learning, c'est-à-dire cette capacité de travailler depuis chez soi, de ne pas interrompre le travail par exemple, pour pouvoir apprendre, n'avaient pas les effets escomptés et qu'il fallait remettre de l'humain, remettre de la proximité, remettre des formations, là où on avait pensé que le moyen technique, comme on l'avait pensé pour la télévision auparavant, etc., pouvait empêcher de mettre des personnes face à d'autres personnes. Effectivement, mais tout ça fonctionne comme un balancier. C'est-à-dire qu'on met plein d'espoir dans un nouveau support, et puis le nouveau support ne répond pas aux espoirs qu'on y a mis. On voudrait donc supprimer la présence. On dit il n'est pas bien du tout, et on va passer au nouveau support. Et on passe au nouveau support, et il se passe la même chose. Mais ceci dit, ouvrir la formation à tous, ce qu'on a attribué à la télévision il y a quelques décennies, mais c'est ce qu'on est en train de faire avec les MOOC. Oui. Alors les MOOC, expliquez-nous, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ce sont ces cours en ligne, les massive courses online. Donc, c'est les cours en ligne que, par exemple, des universités mettent en ligne. Des grandes écoles. Avec des examens. Une fois qu'on a regardé les cours en question, on peut être interrogé et on peut donc passer des examens en ligne. Et ça ne marche pas aussi bien qu'on pouvait l'escompter au tout début. Alors, il y en a différentes sortes. Il y a ceux qui conduisent à des examens qui sont inscrits dans des cursus universitaires, et il y a ceux qui donnent simplement lieu à ce qu'on appelle quelquefois des badges ou des validations de présence et ainsi de suite. Quelquefois, d'ailleurs, certains, tous ces cours sont supposés être gratuits, mais certains quelquefois font payer la participation à l'examen. Donc c'est pas totalement gratuit. Alors ça a pas répondu parce que c'était supposé faire former des centaines de milliers de personnes. Ceci dit, il y en a un petit peu moins. Et surtout, on a constaté qu'il y avait énormément d'abandons en cours de route. Ah oui, parce que cette question de la présence est importante. Et puis vous dites, pour reprendre la métaphore aqueuse de Gilbert Léoutre sur la télé scolaire qui disait qu'on doit cesser d'arroser le sable, vous dites, vous, qu'il faut généralement ce genre de nouvelles technologies fait pleuvoir là où c'est déjà mouillé. Absolument, absolument. Ça a été le cas de chacune à tour de rôle. C'est-à-dire que les gens qui ont les prérequis nécessaires en profitent au maximum, alors que ceux qui ne les ont pas n'en profitent pas autant qu'il le devrait. Laurent Trémel, vous qui avez travaillé sur, par exemple, les jeux vidéo, c'est le dernier avatar, justement, de ces croyances. Vous expliquez qu'effectivement, on sait que beaucoup de jeunes garçons, en particulier, passent du temps sur les jeux vidéo, mais pas simplement, et que peut-être il faudrait les réintégrer dans les enseignements, comme on a tenté d'intégrer tout ce qui se passait en dehors de l'école, en particulier dans cette même école, et que, par exemple, travailler sur Candy Crush pourrait être une belle manière de réfléchir à des questions aussi simples que les garçons et les filles, les couleurs que l'on met dans un jeu que l'on peut avoir sur son téléphone, mais aussi le culte de la performance avec les niveaux que l'on passe les uns après les autres pour pouvoir gagner de nouveaux bonbons. Oui, je pense qu'effectivement, par rapport aux jeux vidéo aujourd'hui, dans un cadre scolaire, il peut y avoir deux approches. D'une part, l'utilisation de jeux vidéo en tant que outil d'un peu de médiation pour essayer de faire découvrir aux enfants des processus cognitifs au travers de l'utilisation pédagogique de jeux vidéo ou de serious games, ou alors effectivement, et l'un et l'autre par ailleurs ne sont pas incompatibles, ce que vous évoquez, c'est-à-dire prendre la construction scénaristique ou la construction informatique de jeux vidéo qui sont des programmes, pour effectivement essayer d'en déconstruire les implicites, montrer comme vous l'évoquez comment des jeux comme Candy Crush sont conçus à partir de palettes de couleurs dont on pourrait interroger le sens pour les publics cibles visé par l'éditeur de produits de ce type. Et puis effectivement, le contenu de jeux vidéo, par exemple, vous voyez des jeux vidéo qui vont valoriser à l'envi la problématique de l'assassinat ciblé, en classe, ça peut faire l'objet d'une discussion dans le cadre de l'éducation civique, par exemple. Doit-on aujourd'hui, effectivement, comme ça, éliminer systématiquement des ennemis sans jugement? Voilà, ça peut faire l'objet de débats en classe, le contenu des jeux vidéo. Mais ça suppose que les adultes, les enseignants en l'occurrence, aient les moyens d'avoir une sorte de maîtrise sur les contenus. Et oui, quand vos élèves en savent plus que vous sur les outils qu'ils utilisent et que vous voulez utiliser en classe, c'est toujours un peu délicat. Alors, nous allons terminer cette émission avec vous trois, mais également avec Yann Poisson, qui est enseignant. Bonjour Yann Poisson. Oui, bonjour. Vous faites partie des trois enseignants qui ont accepté pour cette semaine sur l'éducation dans son temps de sketchnoter les émissions de la Fabrique de l'Histoire. Donc c'était Caroline Jounotion hier, demain ça sera Caroline Tambaro et aujourd'hui c'est vous. Vous êtes enseignant, vous utilisez le sketchnote, pourquoi et qu'est-ce que le sketchnote puisque nos auditeurs ne le savent pas encore? Alors le sketchnote c'est une pratique de pensée visuelle. En fait, on prend des notes en utilisant sketch, c'est le dessin, donc des pictogrammes, des éléments graphiques, et les notes, c'est des mots-clés. Donc, j'essaie de prendre des notes en utilisant ce double codage entre le visuel et le mot. Ce qui me permet d'être plus attentif, d'avoir, en fait, ce double codage permet une meilleure mémorisation. Et donc, ça permet à nos auditeurs qui vont se précipiter sur la page de la Fabrique de l'Histoire d'hier, par exemple, de voir le sketch note qu'on a fait sur l'enseignement des jésuites Caroline Jounotion, donc avec des petits personnages, mais également des notions clés, qui sont les notions clés qui ont été développées dans l'émission. Et vous-même, vous avez fait la même chose pour l'émission de ce jour, Yann Poisson. Oui. Oui, oui. La prise de notes, elle s'est faite alors au fil du flot de paroles de vos intervenants, avec la mise en place de cadres, de connecteurs avec des flèches, avec des éléments qui permettent de mettre en avant, alors notamment la couleur, de mettre en avant des idées fortes. Et puis après le premier jet que j'ai fait ce matin sur des feuilles, je vais essayer de reprendre et de réorganiser pour avoir une organisation spatiale de ma prise de notes qui me permette de reprendre et de faire la synthèse de ce qui a été dit par vos trois intervenants. Ça veut donc dire qu'on peut résumer, c'est un résumé évidemment, ça ne dit pas tout d'une émission ou d'un cours, on peut résumer une émission comme celle-ci à partir de ces notes que l'on a prises sur une seule page, un seul feuillet à l'italienne, mettons, sur lequel on a la totalité de ce qui a été dit, ou du moins le meilleur de ce qui a été perçu d'une émission ou d'un cours. Oui, l'idée c'est d'avoir une seule page, d'avoir alors que ce soit un A4 ou un A3 suivant le format de travail, mais c'est de pouvoir se dire que cette émission correspond à un document. et qu'on puisse, au flot des différentes interventions ou au flot des différentes prises de notes que l'on va faire, garder une page par intervention et pouvoir revenir, et c'est ce qui a été mon cas, revenir très simplement sur des prises de notes qui ont été faites lors de conférences et ne pas se perdre dans des montagnes de feuilles. Et ça veut dire qu'on peut l'utiliser en classe de quelle manière, en l'occurrence, ce sketchnoting, Yann Poirson, on peut l'utiliser avec les élèves, c'est le professeur qui le pratique, ce sont les élèves eux-mêmes qui s'y mettent, comment ça se passe ? Alors, dans le cadre de mon travail à Réseau Canopé, nous avons mis en place un certain nombre de formations à destination d'enseignants pour modifier leur façon de produire des contenus et de présenter les contenus aux élèves pour avoir ce double discours entre le visuel et le textuel. Mais également, il est possible pour les élèves de pouvoir mémoriser des leçons en reprenant en fait ce qui a été fait, ce qui a été dans la trace écrite du cours, en retravaillant et en reprenant des éléments qui sont des éléments visuels sémantiques pour eux, pour pouvoir retenir et mémoriser correctement les leçons qui ont été faites en cours. Vivian Glickman, vous qui suivez depuis longtemps toutes les évolutions pédagogiques vis-à-vis à la fois des élèves mais aussi des adultes à partir de l'image. On parlait d'image en mouvement, là c'est de l'image arrêtée que l'on fait en faisant du sketch note. Oui, bien entendu, mais il n'y a pas que l'image. Enfin, l'image, elle passe aussi par d'autres supports. Quand on est sur Internet, on a de l'image également. Donc, de temps en temps, de l'image fixe, de temps en temps, de l'image animée. Mais ce qui me semble utile de dire, c'est que finalement, les nouvelles technologies, on peut les critiquer énormément. Et il y a de quoi les critiquer dans la mesure où, surtout en matière de formation d'adultes justement, elles exigent une très forte autonomie et une très forte motivation. Et il faut lutter contre le sentiment d'isolement, formation à distance, il faut... Mais elles apportent un élément qui n'existait pas avant dans la formation à distance, qui est la possibilité de communication entre apprenants. On pouvait téléphoner à un tuteur, mais on pouvait pas communiquer avec les autres apprenants. Et ça, c'est quand même un point positif des nouvelles technologies dans la formation des adultes. Laurent Trémel, si vous refaisiez 50 ans de pédagogie par les petits écrans, vous pourriez y rajouter, en l'occurrence, peut-être le sketchnoting, puisque désormais, ça fait partie des outils de base de plusieurs enseignants ou plusieurs centaines d'enseignants. Tout à fait, l'exposition pourrait effectivement être actualisée par rapport à des pratiques émergentes de ces toutes dernières années, effectivement, oui, ça pourrait être tout à fait une dimension évoquée. On avait d'ailleurs justement à la fin, il y avait une vitrine qui était consacrée aux actions du CLEMI, hein, service de Canopé, qui développe, je dirais, au quotidien des éléments se rapportant à l'éducation aux médias. Donc bien évidemment, le propos de l'exposition pourrait être prolongé, mais vous voyez, à un instant T, c'est déjà intéressant de voir les traces de cette exposition qui reste aujourd'hui sur Internet. Exactement, et on peut aller sur le site du Musée National de l'Éducation pour pouvoir voir tout cela. D'ailleurs, le Musée National de l'Éducation, nous serons demain dans ses murs pour une émission sur l'invention de la morale laïque, et nous remercions tous les personnels de ce musée de Rouen, donc national, de nous avoir accueillis pour cette émission qui sera diffusée demain dans la Fabrique de l'Histoire. Merci à vous Yann Poirson et bon travail pour conclure et terminer votre sketch note de l'émission de ce jour. Merci. Et merci donc à vous et également Frédéric Marty depuis Radio France à Montpellier qui vous accueillait. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission sur les innovations par l'image dans la deuxième moitié du XXe siècle et au tout début du XXIe siècle. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Aurélie Marcet et Céline Leclerc. Pierre Faucillon était avec nous à la technique et Renaud Dalmar à la réalisation. Si vous voulez bien entendu aller sur le site internet pour voir ce qu'est un sketch note, eh bien allez sur la page d'hier et puis à partir de ce soir sur la page de la Fabrique de l'Histoire pour pouvoir avoir le sketch note de l'émission de ce jour.